Suleiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 1er octobre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition, de cette mi-journée. Une femme albinos de la colline Wissiga, en zone commune Guitéragné de la province Muyinga, est hospitalisée des suites des blessures reçues d'un malfaiteur non autrement identifié. C'était la nuit de ce jeudi à vendredi, un acte condamné par l'association Albinos Sans Frontières. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme demande au gouvernement du Burundi de poursuivre les enquêtes pour traduire devant la justice les auteurs des récentes attaques à la grenade en mairie de Bujumbura et dans d'autres localités. Le Monde célèbre ce 1er octobre la journée dédiée à l'habitat, l'occasion pour l'ONU d'encourager les gouvernements à faire des plans d'action zéro carbone dans la construction des villes. Et dans la chronique environnement, comme tous les vendredis, nous parlerons des nouveaux gaz utilisés en réfrigération et climatisation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Une femme albinos de la colline Bissiga, en zone commune Guitéragné, est hospitalisée depuis la nuit de ce mercredi. Elle se fait soigner des blessures qu'elle a reçues d'un malfaiteur non identifié, selon l'administrateur Jean-Vien Dagijimana, qui confirme les faits. Le malfrat a assailli la femme alors qu'elle s'endormait tranquillement avec son enfant. Elle a essayé de se défendre, ce qui l'a épargné de la mort, puisque l'agresseur a fini par prendre le large. Un acte condamné fermement par l'association Albinos Sans Frontières au Burundi. Anissé Bangirinama, représentant de cette association, demande aux autorités et aux agents de la sécurité de tout faire pour que la sécurité des albinos soit renforcée et que le malfaiteur arrêté soit puni sévèrement. Suivez-le au téléphone de Jean-Marie Mayong. C'est vraiment décourageant parce qu'il y a un mois où on a essayé de massacrer un albinos en commune Gutihinda. Cette nuit passée, nous avons appris qu'il y a une autre albinos qui a été attaquée étant dans sa maison pendant la nuit en commune Guitéragné. Vraiment, nous avons été tellement désolés de voir des situations pareilles qui deviennent répétitives dans la même province et presque dans le même mois. C'est pourquoi nous sommes tellement découragés. C'est pourquoi les médias et les autorités compétentes doivent être quand même au courant de lutter contre ces massacres pour protéger cette communauté des albinos au Burundi. On s'adresse aux autorités de notre gouvernement burundais en collaboration avec la police et les militaires pour renforcer davantage la sécurité d'une manière générale et en particulier aux albinos. Parce qu'un albinos qui vit seul au niveau du quartier ou de la colline ne peut pas être attaqué aussi longtemps qu'il est entouré avec une frère de soeur non albinos. C'est pourquoi qu'il y a une implication des voisins. C'est pourquoi la sécurité doit être renforcée dans cette situation. Et quel message pouvez-vous donner à tous les albinos afin de savoir comment se protéger? Les albinos, d'une manière générale, ils sont sensibilisés de procéder à l'autoprotection, c'est-à-dire de rentrer à temps ou bien de rester tout près des familles. Mais malheureusement, ils sont tellement attaqués étant endormis dans les domiciles respectifs. Et le rôle principal revient au gouvernement sur le plan national et au niveau local. C'est-à-dire qu'ils doivent renforcer la sécurité aussi longtemps qu'ils pourront appréhender l'une ou l'autre malfaiteur qui tend à tuer un albinos. Il doit être puni de façon sévère pour éradiquer ce genre de comportement. Dans la suite de ce journal, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme condamne les récentes attaques à la grenade perpétrées en mairie de Bujumbura et dans d'autres localités. Dans une déclaration sortie ce vendredi, le président de cette commission, Sixte Vigneni Muraba, a demandé au gouvernement du Burundi de poursuivre les enquêtes pour traduire les auteurs devant la justice. Il exhorte en outre tous ceux qui auraient des revendications à faire de ne pas user de la violence. Suivez Dr Sixte Vigneni Muraba, président de la CNIDH. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, condamne sans réserve les actes terroristes à l'aide des grenades et des fusils dans les quartiers de la mairie de Bujumbura et ses environs, notamment à Ruziba, Kamenge, Charama et Gatumba, ainsi que les embuscades tendues sur les voies publiques dans la commune Mugamba ou ailleurs. L'objectif de ces malfaiteurs est de perturber la quiétude des populations innocentes au moment où la paix et la sécurité règnent partout dans le pays. La Commission exprime ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et sa solidarité avec tous les rescapés qui poursuivent leur traitement dans les unités de soins de santé. La CNIDH encourage le gouvernement du Burundi à poursuivre les enquêtes déjà entamées sur ces actes terroristes afin que les auteurs et leurs complices soient totalement identifiés et traduits devant la justice. La CNIDH demande aux forces de défense et de sécurité de renforcer les mesures de sécurité collective de la population burundaise et d'utiliser tous les moyens possibles permettant de prévenir, anticiper et répondre efficacement à ce genre de crime en recourant au maximum possible à la coopération sous-régionale et si nécessaire à la doctrine de la défense préventive. La CNIDH exhorte les responsables politiques et tous ceux qui auraient des prétentions à faire valoir et de faire preuve de responsabilité dans leurs revendications et de s'abstenir de tout recours à la violence et surtout tout discours belliqueux, attitude, comportement, action ou omission de nature à encourager, provoquer ou donner lieu à des actes odieux. Dans cette déclaration, Dr Sixte Vigné Nimuraba, président de la CNIDH, appelle la population à rester sereine. Il lance en outre un appel à la communauté internationale de condamner ces attaques et de continuer à appuyer le gouvernement burundais dans ses efforts de consolidation de la paix. Vous êtes branché sur Isanganiro, il est 13h02. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La revalorisation de la téléphonie fixe et le déploiement d'un réseau boucle métropolitain par l'extension de la fibre optique des villes de Gitega et Ngozi sont parmi les propositions faites en Conseil des ministres mercredi pour améliorer la situation de l'ONATEL. Prosper Nahorguamiye, secrétaire général de l'État et porte-parole, précise que cette société doit redresser les leaders pour qu'ils soient capables de piloter les réformes envisagées. Suivez-le dans cet extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. La revalorisation de la téléphonie fixe, à travers notamment l'introduction du triple play, où dans une même ligne se trouvent le téléphone, l'Internet et les chaînes de télévision, introduire aussi des appareils téléphoniques modernes permettant de rester joignable à un rayon d'au moins 200 mètres du lieu où le téléphone fixe est installé. Le déploiement d'un réseau de boucles métropolitains par l'extension de la fibre optique dans les villes de Gitega et d'Ngozi. L'optimisation du réseau Onamob par la couverture nationale en réseau de téléphonie mobile. Le redressement administratif et financier par notamment la mise en place des outils modernes et informatisés de gestion et de contrôle, ainsi que le renouvellement progressif du personnel selon les besoins en compétences requises tout en maîtrisant la masse salariale. Sur un plan triennal de recrutement basé sur les départs, la révision de la convention de crédit pour le financement du projet Onamob entre l'État du Burundi et la société Huawei. Il est nécessaire de redresser le leadership de l'ONATEL pour qu'il soit capable de piloter les réformes envisagées. Il faut autoriser l'ONATEL à recruter des ressources humaines techniquement compétentes, mais dans les limites du budget disponible, et recycler ceux qui peuvent l'être. Il faut identifier parmi les titres et actions de l'ONATEL dans les institutions financières ceux qui sont moins rentables et les vendre pour purger une partie de ses dettes. L'ONATEL doit également évaluer ses créances et procéder à leur recouvrement. Il faut chercher un cabinet d'audit externe pour faire le diagnostic général de l'ONATEL et proposer des mesures de redressement. Le même audit va montrer comment le crédit contracté par l'État du Burundi a été utilisé par la société Huawei. Il faut vérifier si le crédit que l'État a contracté auprès de la Chine pour la redynamisation de l'ONAMOB n'est pas assuré. C'était un extrait de la réunion du Conseil des ministres de mercredi 29 septembre 2021, lu par le secrétaire général de l'État et porte-parole Prosper Nahorguamiye. Vous saurez que dans cette réunion du Conseil des ministres de mercredi, il était également question du projet d'accord de déviation de la route nationale numéro 1 entre la République du Burundi et la République populaire de Chine, présenté par le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. Ce projet d'accord se réfère à l'accord de coopération économique et technique signé entre les gouvernements burundais et chinois le 28 septembre 2018. Et il concerne notamment la construction d'une route d'une longueur de 5,455 km. 458, d'une largeur de chaussée de 7 mètres et 2,25 mètres de largeur, des accotements pour chaque côté. Et cette route sera construite sur un don de la Chine équivalente à 185 920 000 yuan. Après analyse, le Conseil des ministres a adopté le projet et a demandé que ce projet soit mis en œuvre le plus rapidement possible selon le tracé proposé par la partie qui va donner le financement. Les gouvernements sont encouragés à développer des plans d'action zéro carbone dans la construction des villes. Ceci figure dans un communiqué de l'ONU au moment où ce 1er octobre, le monde célèbre la Journée mondiale de l'habitat. L'ONU Habitat indique que le but de cette journée est de réfléchir sur l'état des villes et sur le droit fondamental de tous à un logement convenable. Le contenu de ce communiqué avec Arthur Kavaouchi. Chaque mois d'octobre, l'ONU Habitat et ses partenaires organisent un mois d'activités, d'événements et de discussions sur la durabilité urbaine. Le but de la Journée mondiale de l'habitat est de réfléchir sur l'état des villes et sur le droit fondamental de tous à un logement convenable. Comme nous le lisons sur le site web des Nations Unies, cette journée vise à rappeler au monde que nous avons tous le pouvoir et la responsabilité de façonner l'avenir des villes et les villages. Ainsi, les Nations Unies font savoir que pour l'année 2021, cette Journée mondiale de l'habitat est célébrée sous le thème d'accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone, du fait que les villes sont responsables d'environ 70% des émissions mondiales de dioxyde de carbone et que les transports, les bâtiments, l'énergie et la gestion des déchets constituent la majeure partie des émissions urbaines de gaz à effet de serre. Les informations rapportées sur ce site disent que l'ONU Habitat encourage les gouvernements locaux à développer des plans d'action zéro carbone dans la perspective du sommet international sur le changement climatique COP26 en novembre. Cette journée mondiale de l'habitat a été initiée par la résolution du 17 décembre 1985 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décidé de faire du premier lundi d'octobre de chaque année la journée mondiale de l'habitat. Merci Arthur. Un centre de santé sera bientôt construit sur la colline Moutara, éloignée du chef-lieu de la commune Kirundo. Des habitants de six collines bénéficiaires de cette structure de soins ont commencé ce jeudi à collecter les matériaux de construction. L'administrateur de la commune Kirundo, Viateur Habimana, interpelle cette population à prendre une part active dans ce projet. Agnès Naomagadze. Certaines parmi la population de ces six collines disent que ce centre de santé vient alléger le trajet de presque 10 km qu'ils effectuaient vers l'hôpital de Kirundo en cas de maladie. Certaines femmes de cette localité mentionnent qu'en cas d'accouchement, certaines parmi elles accouchent avec beaucoup de complications parce qu'elles arrivent souvent tardivement à l'hôpital. Et d'autres affirment qu'il y a aussi ceux qui croient encore aux pratiques superstitieuses suite au manque de moyens de déplacement. La population de ces six collines salue l'initiative des jeunes ressortissants des communes Bugabira, Ebusoni et Kirundo qui ont contribué dans la collecte du matériel pour la construction de ce centre de santé et demandent aux bienfaiteurs de les aider pour avoir le matériel suffisant pour construire ce centre de santé. L'administrateur de la commune Kirundo, Viateur Habimana, interpelle la population de ces collines de prendre le devant dans leur diversité afin de contribuer dans la mise en œuvre de ce projet. De Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Et certaines femmes vivant sur la colline Kamaramagambo de la commune Butihinda en province Muyinga se retrouvent abandonnées par leur mari parce qu'ils ont amené des concubines. Elles disent que ce phénomène est devenu comme une habitude, expliquant que les revenus miniers en sont l'origine. L'administration communale indique que lorsqu'il s'agit de trancher les différends causés par le concubinage, l'on tient compte de la première femme au sein du ménage, Omer Douayou. Ces femmes disent que le sentiment de puissance suite aux gains issus de l'exploitation de l'or est l'une des causes de la polygamie. Il gagnait beaucoup d'argent dans l'extraction minière. Avec cet argent, il a pu se marier avec d'autres femmes. Après qu'on a eu notre troisième enfant, il m'a abandonné pour se marier à sa concubine en Tanzanie. Depuis l'enregistrement des conjoints à l'état civil, le concubinage n'est plus fréquent. Beaucoup d'hommes se retrouvent en situation de concubinage suite aux revenus miniers. Or, l'extraction des mines n'est plus autorisée. Fidèle Tunguhore, secrétaire exécutif permanent de la commune Butihinda, dit que la polygamie est monnaie courante dans cette commune, pensant que c'est lié à l'insatisfaction. Le rapport entre l'exploitation de l'or et la polygamie Anne. Si les personnes exploitent de l'or et qu'ils aient de l'argent, ils ont recours à se marier avec d'autres femmes. Dans le traitement des conflits liés au concubinage, cet administratif indique qu'il tient compte des intérêts de la première femme au foyer. Ce que nous sommes en train de faire comme administration, nous essayons de sensibiliser la population en mettant en évidence les conséquences de la polygamie. Ensuite, nous disons aux hommes de l'église de passer ce message dans leurs prières de chaque jour. Les contraintes que nous rencontrons, par exemple, après que l'État défend cette attitude de la polygamie, les gens qui veulent se marier à d'autres femmes le font clandestinement. Par exemple, si c'est un homme d'ici à Butihinda, s'il veut se marier avec une autre femme, il va dans des villes périphériques, par exemple à Muyinga, Ngozi, Gitega. Il loue une maison et puis il se marie à cette femme. Toutefois, la loi interdisant les mariages illégaux a permis de réduire les effectifs des foyers polygames. Merci Omer Ndouayo. Je l'apprends en même temps que vous. L'honorable Fabien Bantiliani vient d'être relâché après une année d'emprisonnement à la prison centrale de Mimba. Une information que nous devons des sources indépendantes, mais concordantes. Et dans le reste de l'actualité internationale en bref, également au Rwanda, la youtubeuse Yvonne Ndamange a été condamnée à 15 ans de prison et près de 2000 euros d'amende. Elle a été reconnue coupable des 6 charges retenues contre elle. Selon les juges, ses vidéos auraient eu pour but de provoquer des troubles à l'ordre public. Yvonne Ndamange avait été arrêtée en février dernier après avoir fait le buzz sur YouTube avec plusieurs vidéos très controversées. Et le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya devient officiellement président de la République de Guinée ce vendredi 1er octobre. Le putschiste qui a renversé Alpha Condé il y a un mois devait prêter serment à Conakry devant la Cour suprême. Étaient invités les diplomates étrangers présents dans le pays ainsi que des chefs d'État. Mais alors que la junte du CNRD fait toujours l'objet de sanctions de la CDAO, il se pose la question de la présence de ses invités à la cérémonie d'investiture. Place maintenant à la chronique environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. L'insuffisance de l'énergie et la cherté des nouveaux gaz utilisés en réfrigération et climatisation sont des défis liés à ce secteur. Selon Sylvestre Manila-Kiza, ingénieur en mécanique et thermodynamique appliqué, le réchauffement climatique est l'un des impacts dus à la chaîne de froid. Vestine Boutoui. Lors de la récente chronique, nous avions parlé de l'apport de la chaîne d'eau froide dans le développement durable. Aujourd'hui, l'ingénieur en mécanique et thermodynamique appliquée Sylvestre Manila-Kiza explique certains défis auxquels fait face le secteur de réfrigération et climatisation, dont l'insuffisance de l'énergie et la sûreté des substances alternatives. Le problème qui est là, c'est que l'accès à l'énergie dans beaucoup de pays est faible. Et la chaîne de froid, généralement, utilise le courant électrique ou bien le courant solaire. L'autre défi, c'est les substances qu'on consomme, qui sont des substances nuisibles à l'environnement. Mais avec le protocole de Montréal, on essaie de s'adapter avec des substances alternatives. Est-ce que ces produits qui vont substituer ceux qui étaient sur le marché sont accessibles par tout le monde? Les alternatives coûtent trop cher. Ça, c'est un grand défi. Des fois, le double du coût des substances qui approuvent sur la couche d'ozone qu'on utilise. Alors, vous comprenez bien que le marché local va vraiment utiliser la fraude. On prend les substances retirées dans certains équipements, on les met dans les bouteilles, et on dit que ce sont les alternatives. Cet ingénieur précise que la chaîne d'eau froide a un effet sur l'environnement, comme le réchauffement climatique, causé par les nouveaux gaz qui ont substitué ceux appauvrissant la couche d'ozone. La réfrigération, la chaîne de froid, la climatisation, c'est une technologie qui utilise des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont des substances qui provoquent le réchauffement climatique. Alors, avec le temps, avec la pression démographique, on construit beaucoup d'équipements de la chaîne de froid. Les émissions de ces substances dans l'environnement détruisent la couche d'ozone. Et c'est ça le grand impact qu'il y a. Les substances alternatives à ce qu'on a découvert, parmi eux, il y a des substances qui ont un pouvoir de réchauffement global excessivement grand. Et d'ailleurs, c'est pourquoi a eu lieu l'amendement de Kigali sur le protocole de Montréal. C'était juste pour voir comment on peut gérer ces substances alternatives qui provoquent le réchauffement planétaire. Pour qu'il y ait la chaîne d'eau froide et préservation de l'environnement, des différentes équipes opérant dans le secteur de réfrigération et climatisation ont été formées sur la détection des gaz appauvrissant la couche d'ozone et les substances alternatives. Ingénieur Sylvestre Manirakiza évoque également des écoles techniques et d'enseignement des métiers appuyées dans le but de former les futurs cadres qui vont aider dans ce domaine. Vestine Boutoui, avant de nous séparer, un rectificatif par rapport à la femme albinos qui a été blessée. C'était la nuit de mercredi à jeudi et non de jeudi à vendredi, comme je le disais dans les titres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. À la mise en onde de Alphonse Koubrimana au micro, Jean Bosco Nouiman a passé un très bon après-midi.